odeur d'hibisse qu'elle nous a été commis d'office. On appelait des coupables pour finir sous la table. Cette première année a été incroyable. Des feux sur la plage, aux pieds dans le sable. Décision de ta vie. En voiture, tu t'es enfui jusqu'à l'autre bout du pays. Mais la Bretagne t'a pas donné un homme sain et prêt à t'aimer. Régulant ta générosité, partageant ton humanité. Muriel, rebelle et naturelle, tu ne seras jamais.